truc qui se fume, qui rend accro, quand cachette. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le lundi 27 mai, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et avant de commencer, on va revenir un peu sur l'actualité du week-end avec notamment les élections européennes et est arrivé en tête le Rassemblement National devant la République en marche. Et la surprise sur la troisième marche du podium, les écolos. Ce week-end avait lieu également la cérémonie de clôture du festival de Cannes et la Palme d'Or revient au film Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Le prix du jury revient au français Ladj Lee pour Les Misérables. Ensuite, le prix d'interprétation masculine revient à Antonio Banderas pour le film de Pedro Almodovar et le prix d'interprétation féminine revient à l'actrice anglo-américaine Emily Beckham pour le film Little Joe de l'autrichienne Jessica Osner. Voilà pour principalement les récompenses de ce festival de Cannes. Et côté littérature avait lieu ce week-end, Les Imaginages, je vous en avais parlé la semaine dernière, et encore un beau succès pour Les Imaginales 2019. Et il y a pas mal d'actualités sportives, mais ça on en parlera en fin d'émission. Tout de suite on souhaite une bonne fête aux Augustins, ça vient du latin consacré par les augures. Augustin est secret, réservé, introverti, observateur et possède une nature assez méfiante et prudente. Cela peut aisément passer pour de la froideur, de la fierté ou un certain sentiment de supériorité alors qu'il s'agit en réalité de pudeur et de timidité. Son flegme apparent dissimulant une réelle nervosité. Patient, lent, il est pourvu d'une détermination à toute épreuve et lorsqu'un but lui tient à cœur, il peut se montrer obstiné et opiniâtre. Ennemi du superficiel, il ne donne pas son amitié à n'importe qui, mais lorsqu'il s'engage et donne sa confiance, il perd son côté ours et se révèle agréable, fidèle, ses qualités morales apparaissant au grand jour. Et dicton du jour qui dit « À la Saint-Hildevert est mort tout arbre qui n'est point vert ». Dans les célébrations internationales, en France, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, c'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Au Nigeria, c'est la fête des enfants et au Pérou, c'est la journée de la langue indigène. Et dans les événements qui se sont déroulés un 27 mai en 1937, c'était l'inauguration aux piétons du Golden Gate Bridge de San Francisco. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Alain Souchon et sa foule sentimentale. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose d'avoir les quantités de choses. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. visage et triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales avec soif d'idéal, attirées par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lusulidzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur. Ciel dévale, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles. Chose pas commerciale, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Souchon sur RGM. Un peu plus de 8h39, on va faire un petit point sur les anniversaires avec ceux qui sont nés un 27 mai. Je vous dis petit point parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. On commence en 1944 avec la naissance d'Alain Souchon, chanteur, acteur français, vu dans Je vous aime de Claude Berry dans le rôle de Claude, ou encore Tout feu tout flamme ou bien L'été meurtrier. 1965, naissance de Todd Bridges, acteur américain, connu pour son rôle de Willie Jackson dans la série télé Arnold et Willy, ou encore son rôle de Monk dans la série Tout le monde déteste Chris. C'est également l'année de naissance de Pat Cash, ancien joueur de tennis australien ayant fait carrière de 1982 à 1997, qui a été numéro 4 mondial en simple, qui a gagné une fois Wimbledon, qui a été deux fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à l'US Open et huitième de finaliste à Roland-Garros. En double, il a été sixième mondial, deux fois finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open et huitième de finaliste à Roland-Garros. Il a remporté deux Coupes Davis, c'était en 1983 et 86, ainsi qu'une World Team Cup obtenue en 99. 1970, naissance de Joseph Fiennes, acteur anglais, vu dans Elizabeth dans le rôle de Robert Dudley, comte de Leicester, dans Shakespeare in Love dans le rôle de William Shakespeare, ou encore la série télé Flash Forward dans le rôle de Mark Benford. 1971, naissance de Paul Bettany, acteur anglais, vu dans Un homme d'exception, Dodgeville, Da Vinci Code, dans le rôle... j'ai pas le rôle. Je l'ai pas mis. Il a incarné la voix originale de Jarvis dans Iron Man 1, 2 et 3, ainsi que Avengers. Ensuite, il était la voix de Jarvis et le personnage Vision, puisqu'il a évolué dans Avengers l'ère d'Ultron, Captain America Civil War, Avengers Infinity War et enfin Avengers Endgame. 1975, naissance d'André 3000, musicien américain du groupe Outkast. 1990, naissance de Chris Colfer, acteur-chanteur américain connu pour son rôle de Kurt Hammel dans la série télé Glee. Et enfin, 1999, naissance de Lily Rose Depp, mannequin, actrice franco-américaine, vue dans La Danseuse dans le rôle d'Isadora Duncan, Les Fauves dans le rôle de Laura ou encore L'Homme Fidèle dans le rôle de Eve. Voilà pour les anniversaires. On écoute tout de suite Outkast avec leur titre Heya. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna? But can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how. Shake it like a Polaroid picture. Heya du groupe Outkast sur le 107FM. Il est presque 8h46. On fait un point météo. La météo. Alors, ce matin, pour l'instant, il y a des éclaircies, mais ça va vite devenir nuageux et la pluie fera son retour aujourd'hui en fin de matinée pour cet après-midi. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 17 et 18 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, ce sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés l'après-midi. Mercredi, retour des éclaircies, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 15 et 16 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Au menu du jour, du hockey sur glace, du football, du basket, de la Formule 1, du tennis de table, du volley, du handball et enfin du tennis. Allez, on commence avec le hockey sur glace et le résultat eh bien, de ces championnats du monde. La finale a opposé hier soir le Canada à la Finlande et ce sont les Finlandais qui se sont imposés. Ils n'ont rien lâché, ils se sont imposés 3 buts à 1 face donc aux Canadiens. Troisième titre mondial pour les Finlandais. La petite finale opposait la Russie à la République tchèque et ce sont les Russes qui ont remporté la médaille de bronze en s'imposant 3 buts à 2 après prolongation. On va parler du club de hockey d'Épinal, le HC. On connaît la décision du tribunal hein, qui est tombée vendredi. Eh bien, le tribunal autorise le club à poursuivre donc son activité en validant le plan de continuation. Très bonne nouvelle donc pour le club de hockey spinalien. Et on va parler des championnats du monde féminin, c'est la bonne nouvelle pour les championnats du monde féminin donc de 2020. Ça se déroulera en France et en lice, eh bien, il y a Angers qui va bientôt avoir une patinoire flambant neuve et Épinal. On sait hein, que le club d'Épinal est très apprécié, notamment par les joueuses de l'équipe de France qui gardent un très bon souvenir quand elles sont venues pour disputer un tournoi des quatre nations. Donc voilà, affaire à suivre. Allez, on parle maintenant football et on a pas mal de choses à dire. Tout d'abord avec la Coupe du Monde U20 où la France s'est imposée 2 buts à 0 face à l'Arabie Saoudite en football féminin. La France a battu la Thaïlande 3 buts à 0. En Ligue 1, c'était la dernière journée ce week-end et Amiens s'est imposé 2 buts à 1 face à Guingamp. Angers et Saint-Etienne ont fait match nul, 1 but partout. Bordeaux s'est imposé 1 but à 0 à Caen. Dijon s'est imposé 2 buts à 1 face à Toulouse. Marseille s'est imposé 1 but à 0 face à Montpellier. Strasbourg s'est imposé 1 but à 0 à Nantes. Nice s'est imposé 2 buts à 0 face à Monaco. Lyon s'est imposé 3 à 2 à Nîmes. Le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Reims sur le score de 3 à 1. Et enfin, Rennes s'est imposé 3-1 face à Lille. En National 2, défaite d'Épinal à Saint-Maur 2 buts à 0. En National 3, Thaon-les-Vosges s'est imposé 4 buts à 2 face à Sarreguemines. Et Rennes l'étape s'est incliné face à l'équipe 2 de Strasbourg 4 buts à 1. En basket, en Pro B, défaite de Nancy face à Blois 67 à 70. Prochain rendez-vous ce jeudi pour le quart de finale. Allez. En Formule 1, ce week-end, c'était le Grand Prix de Monaco qui a été remporté par Hamilton devant Vettel et Bottas. Pierre Gasly lui a terminé 5e, Romain Grosjean 10e et enfin Charles Leclerc a malheureusement dû abandonner. Un mot de tennis de table avec les pro dames et le club d'Étival pardon, qui a été sacré champion de France. En volley féminin national 3, le club d'Épinal, le CAM, s'est imposé 3-1 face à Villejuif. Les spinaliennes sont donc revenues bronzées. Dans tous les sens du terme peut-être. Un mot de handball féminin, on connaît le vainqueur de la Coupe de France, il s'agit du club de Metz. Un mot de tennis maintenant avec tout d'abord les résultats à Lyon où Benoît Paire a remporté le tournoi en s'imposant en finale face à Auger Aliassim en 2-7. À Strasbourg, malheureusement, Caroline Garcia s'est inclinée en finale en 3-7 face à Yastremska. Hier, c'était le début de Roland-Garros, mais avant ça, samedi, avait lieu le Star 7 et Match. C'est tout nouveau. Ce sont des anciennes stars de tennis français, notamment Fabrice Santoro, Paul-Henri Mathieu encore, qui devait apprendre le tennis à des stars. Donc par exemple, Paul-Henri Mathieu a appris le tennis à Marine l'Orphelin et Fabrice Santoro a appris le tennis à Vianney. Et il a bien fait, puisque ce sont ces deux messieurs qui ont remporté le Star 7 et match dans une très bonne ambiance samedi après-midi. Et hier, fallait être au rendez-vous de ce début de Roland-Garros, puisqu'il s'est déjà passé des choses. Alors côté messieurs, à noter le forfait de Nick Kyrgios, on ne sait pas trop pourquoi, mais on suppose qu'avec ses propos très désobligeants à l'encontre du tournoi de Roland-Garros, eh bien, ça a fait un peu déborder le vase. En tout cas, voilà, Nick Kyrgios a disparu du tableau principal. Il a été remplacé par Nori. Et à noter le forfait du Canadien, Félix Auger-Aliassime, en difficulté lors de sa finale à Lyon. Il est blessé aux adducteurs, il est donc forfait. Pour Roland-Garros, à noter hier l'élimination du Lorrain Hugo Humbert en 4-7 face à Popperine. Les éliminations également de Quentin Alice en 3-7 face à Nishikori. Bon, c'était plutôt à prévoir. Et les éliminations des Espagnols Andújar et Ramos Vinolas. Et la sensation nous vient de Nicolas Mahut, 253e mondial. Il était mené 2-7 à 0. Il sait pas trop si ça va être son dernier Roland-Garros, mais à 37 ans, on peut penser que c'est bel et bien son dernier Roland. Eh bien, il est venu à bout de l'Italien Cecchinato, tête de série numéro 16, 19e mondial et demi-finaliste l'an passé. Et oui, et le Français menait 2-7 à 0. Il a mené une révolution pour au final s'imposer en 5-7 sur le tout nouveau court Simone Mathieu, qui fait clairement l'unanimité auprès des joueurs pour l'instant et même des commentateurs. Et dans les autres résultats, notez les qualifications sans problème de Marin Cilic, Tsitsipas ou encore Roger Federer, qui faisait son grand retour à Roland-Garros après 4 ans d'absence. Au programme d'aujourd'hui du beau monde, et alors on a des Français avec notamment Joe Wilfried Tsonga opposé à Gojovzik, Richard Gasquet opposé à Misha Zverev, Jérémy Chardy à Edmund, Pierre Hugerbert à Medvedev, Benoît Paire à Kopil, Gilles Simon à Stavkovski, Moutet à Vatutin, Janvier à Cuevas et Muller à Carbayes Baena. Et il y aura également les matchs de Coric, Wawrinka, Tim Djokovic ou encore le roi de Roland-Garros, Rafael Nadal. Et côté féminin, la sensation nous est venue de Potapova, 81e joueuse mondiale, qui s'est imposée pour son tout premier Roland-Garros en 2-7 face à Angélique Kerber, numéro 5 mondiale. Kristina Mladenovic s'est imposée en 2-7 face à sa compatriote Fiona Ferro. Qualification également de Pliskova, de Stevens, de Muguruza, qui a quand même eu des difficultés. À noter la qualification de Svitolina, qui a battu Venus Williams, et à noter l'élimination de Poncher en 2-7 face à Becic. Au programme d'aujourd'hui, Parmentier affrontera Bertens, Alizé Cornet sera opposée à Kuzmova, Albi à Diaz et Paris à Lapko. Il y aura également les matchs de Suarez Navarro, Sevastova, Barty, Kvitova, Wozniacki ou encore Serena Williams. Avant de marquer la toute dernière pause musicale, on fait un point sur une exposition qui a lieu pas loin de chez nous. Femme. Il est toujours possible d'aller voir l'exposition Femme, les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30, et ce jusqu'au 6 juin 2019. Cette exposition donne un aperçu de la vie des femmes de jadis. Morceaux de vie quotidienne et grands faits historiques font renaître des existences trop souvent méconnues. Penchons-nous sur ces reflets de femmes que nous racontent les archives. C'est donc, je le rappelle, jusqu'au 6 juin de 13h30 à 17h30, les mardis, mercredis et jeudis. L'entrée est gratuite et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'organisme au 03 29 62 59 04. Voilà pour l'exposition Femme. Allez, tout de suite, on va passer à notre dernière pause musicale avec l'acteur et chanteur Chris Colfer dans la série Glee. Il nous a interprété le titre I Have Nothing qu'on écoute tout de suite. colors I'll never change, all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. Le titre interprété donc dans Glee, et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Excellente journée à tous.